Mathilde Serrel à vous avec un monde nouveau. Ce matin, un monde rempli d'effets papillons. Ils n'ont pas attendu le printemps pour fleurir sur les murs des réseaux. Ces effets papillons, ce sont des jeunes gens qui racontent ce petit détail charnière de leur existence, cette variable qui a entraîné une série d'événements qui font leur réalité aujourd'hui. Exemple, s'ils m'avaient swipé à gauche sur Tinder il y a 4 ans, tout cela ne serait jamais arrivé. Je traduis, si sur cette appli de rencontre, ils ne s'étaient pas arrêtés sur mon profil, nous n'en serions pas là à nous embrasser devant la Tour Eiffel. Je cite ici l'une des nombreuses vidéos de cette tendance virale, cette trend qui s'est mise à circuler sur les fils TikTok français, propulsée comme toujours par une musique. TikToker du nom de Tao, mon amour, a composé ce petit tube intitulé « Plage, coquillage » pour décrire la tension qui précède un premier baiser. La vidéo dépasse les 2,5 millions de vues et surtout, en quelques semaines, elle est devenue la bande-son d'une foule de récits intimes qui commencent en général par cette accroche. Mon effet papillon à moi, c'est... Complété chez vous avec ce micro-point de bascule qui, s'il n'était pas advenu, aurait changé votre situation aujourd'hui. Évidemment, vu l'âge des convives autour de cette table radiophonique, un peu rehaussée par l'absence de Claude... Vous avez probablement déjà vécu plusieurs points de bascule. Mais vous connaissez aussi sans doute cette formule dépensée de Blaise Pascal au XVIIe siècle. Si le nez de Cléopâtre eût été plus court, toute la face du monde aurait changé. La théorie dite de l'effet papillon, elle, est plus récente, mais date déjà d'un demi-siècle. 1973, c'est le scientifique Edward Lorenz qui la développe en montrant que la modification de quelques variables pourrait engendrer une chaîne de conséquences qui modifie le résultat escompté. Ce qui donne cette fameuse formule. Le battement d'aile d'un papillon au Brésil déclenche-t-il une tornade au Texas? Depuis, les récits, et notamment ceux de la pop culture, s'en sont largement emparés, confèrent les sagas Retour vers le futur et Terminator, construites sur ce petit changement dans le passé qui pourrait tout modifier au présent. C'est donc un truc déjà installé dans les imaginaires qui ne demandait que sa tendance TikTok pour éclore version 21e siècle, c'est-à-dire tournée vers l'intime, mais partagée en réseau. La boucle est bouclée depuis que le fameux Tao, mon amour, s'est demandé ce qui se serait passé s'il n'avait pas composé ce son dans sa chambre. Réponse, je ne serais pas là pour vous en parler ce matin, mais je n'aurais pas non plus planté cette graine pas si vaine qui consiste à se demander à quel point de hasard on en est, par quel point de hasard on en est arrivé là. Merci Mathilde et à tout à l'heure dans Nouvelle Tête.